La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Edith Wharton fut la première femme à recevoir le prix Pulitzer en 1921 pour son roman Le Temps de l'Innocence. Déjà fortunée par sa famille, elle a pu d'autant plus s'émanciper de son mari par ses succès littéraires et vivre comme elle l'entendait, sans pour autant que l'on puisse la qualifier de féministe, elle qui n'était pas du genre à renverser la table. Car une certaine forme de classicisme a toujours guidé en dernier recours les choix de cette femme née dans la tradition de la bourgeoisie américaine, comme nous l'a raconté hier l'un de ses traducteurs, le romancier Jean Pavant. Un classicisme qui ne signifiait pas chez elle une absence de liberté de mœurs, en témoigne ce fragment de texte érotique retrouvé longtemps après sa mort et dont nous parlera jeudi Maxime Rover, en même temps qu'il évoquera l'amour de l'écrivaine pour l'Italie. Et puis demain, nous nous arrêterons sur deux romans très différents de Wharton avec leurs traductrices respectives, Le Temps de l'Innocence, roman de la bourgeoisie d'abord, et Ethan Frome ensuite, dont l'action se passe dans une campagne désargentée de la Nouvelle-Angleterre. Nous serons pour ce faire avec Sarah Fosse, puis avec Julie Wolkenstein. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler des grands thèmes de l'œuvre d'Edith Wharton, nous sommes avec vous, Anne Ulmeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université de Tours. Vous enseignez la littérature américaine. Vous êtes professeur. Vous faites de grands signes pour me dire que vous n'êtes pas maîtresse de conférence, mais bien professeur. Eh bien, redisons-le. Vous avez écrit l'essai Edith Wharton, La conscience entravée aux éditions Belin en 2001 dans la collection Voix américaine, ainsi qu'un autre essai intitulé Anatomie d'une illusion, portant sur le roman Chez les heureux du monde. C'est aux presses universitaires de France et c'était en 2013, un ouvrage, signalons-le, que vous avez signé avec Emmanuel Delanoë Brun. Alors, on a vu hier qu'Edith Wharton a été très jeune attirée par la littérature, mais sa carrière d'écrivain, elle ne va débuter véritablement qu'après son mariage avec Teddy Wharton en 1885, quand elle commence à publier ses poésies. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les débuts d'Edith Wharton, Anne Ulmeau ? Les débuts d'Edith Wharton étaient très très compliqués dans un milieu qui associait le monde de l'art à la bohème. Et il était extrêmement dissident, enfin c'était une manière rebelle de se rebeller que de tout d'un coup décider d'écrire. De sorte que même si ses premiers écrits, qui étaient des poèmes, ont été publiés à compte d'auteur par sa mère, hein, Lucrezia, la grande dame, la grande bourgeoise. Un peu froide. Un peu froide, même glaciale et glaçante apparemment. Il a été très difficile pour elle d'affirmer ce goût pour l'écriture. Alors un goût qui avance dans diverses directions, c'est une œuvre particulièrement polymorphe qui touche à différents genres. En effet, on la connaît à la fois pour ses romans et pour ses nouvelles, mais c'était quelqu'un qui avait plusieurs cordes à son arc dans la mesure où elle était aussi capable d'écrire un ouvrage de décoration intérieure où elle était passionnée par les villas italiennes notamment et l'architecture en particulier, en bonne balsacienne qu'elle était, comptait énormément et lui permettait aussi de camper ses personnages dans un univers particulièrement architecturé. Des articles de journaux. Oui, bien sûr, des critiques d'autres auteurs aussi d'ailleurs. Des critiques d'art, de la poésie, en effet. C'est une romancière vraiment majeure des États-Unis. Est-ce qu'elle fait vraiment partie de ce qui est le plus important dans la culture littéraire américaine d'aujourd'hui, selon vous ? Aujourd'hui, oui. Elle a été vraiment remise au goût du jour dans les années 70, je dirais, lorsqu'on a vraiment redécouvert sa littérature, non plus à l'aune de Henry James, qui était l'ombre du maître, qui avait été considéré comme le grand, et à la faveur d'ailleurs des women's studies, en fait, des études féminines, on a revalorisé Edith Wharton. C'est beaucoup dans ce champ qu'on l'étudie aujourd'hui ? Pas uniquement, mais aussi. Oui, oui, c'est aussi un angle de critique qui est tout à fait valorisé, même si, comme vous le signaliez en introduction, voilà, c'est un peu compliqué puisque elle était même très très méfiante à l'égard de ses contemporaines qui écrivaient ce qu'elle appelait de la fiction rose bonbon, enfin il y avait quelque chose à l'eau de rose, voilà, et elle voulait absolument se démarquer de ce courant-là des localistes notamment. Alors son premier best-seller, c'est un livre que vous connaissez bien, « Chez les heureux du monde », publié en 1905. Vous voulez que je vous en parle peut-être ? Un petit peu, oui. Alors, « Chez les heureux du monde » est un, bon, une œuvre sur laquelle j'ai travaillé avec Emmanuel Delannoy-Brun. Mm-hmm. C'est pour moi peut-être son grand roman, hein, même si j'aime énormément aussi « Le temps de l'innocence », mais c'est son grand roman parce qu'elle y pose tous les points de départ. Elle met les points de départ de ce qui va devenir une œuvre. On peut même parler en termes de trilogie, trois romans. Donc celui-là, 1905. Plus tard, on aura Les Beaux Mariages, hein, The Custom of the Country, et puis ensuite Le Temps de l'Innocence. Et elle pose les bases de cet univers. Donc c'est un cycle. Je suis pas certaine que ce soit pensé comme un cycle, mais de fait, elle a eu besoin, de manière épisodique, de reparler de cet univers qu'elle connaissait bien et dont Henry James avait senti qu'il était son sujet. Parce qu'au départ, il faut dire que elle était partie sur des sujets davantage d'histoire, des romans historiques qui se passaient la plupart du temps en Italie. Oui, alors il y a eu The Valley of Decision, qui est assez peu connu. Il est beaucoup moins intéressant à mon avis que les autres œuvres. Et puis voilà, il se situe dans une Italie ancienne. Enfin, James, en lisant ce livre qu'elle lui avait envoyé, s'est dit que non, c'était pas forcément son sujet favori. Il n'y a que deux règles essentielles. La première, que le romancier ne devrait traiter que de ce qui est à sa portée littéralement ou métaphoriquement. Et la seconde, que la valeur d'un sujet dépend presque entièrement de ce qui voit l'auteur et de la pénétration de son regard. Je l'avais toujours senti. Et maintenant, mon problème était la façon de tirer parti d'un sujet, le New York élégant, qui, plus que tous les autres, semblait entrer dans la catégorie condamnée. Mais il se présentait à moi, dans sa platitude et sa futilité, demandant à être traité comme le thème qui se prêtait le mieux à ma main, car j'y avais été plongé dès l'enfance et n'aurais pas à l'étudier dans des carnets de notes et des encyclopédies. Cependant, le problème était d'extraire d'un tel sujet cette signification humaine typique, qui est pour l'écrivain la raison de raconter une histoire plutôt qu'une autre. À tel égard, pouvait-on dire qu'une société d'oisifs irresponsables avait, dans le vieux malheur du monde, une portée plus profonde que ne pouvaient le supposer les personnes mêmes qui la composaient ? La réponse était qu'une société frivole ne pouvait acquérir une signification dramatique qu'à travers ce que détruisait sa frivolité. Ses conséquences tragiques tenaient à son pouvoir d'avilir les personnes et les idéaux. Bref, la réponse fut mon héroïne, Lily Barthes. Par Vanda Benes, parlez donc de ce que vous connaissez le mieux. Tu as donc conseillé Henry James, c'est le conseil qui lui manquait pour déployer tout son talent, Anulmo ? Certainement, c'était une injonction « Do New York » qui lui a envoyé cette lettre avec « Do New York » en lettres capitales. Comme une injonction un peu patriarcale, puisqu'il avait dit aussi à une de ses amies qu'il fallait mettre Edith Wharton à la longe dans un pré, dans une prairie qui lui ressemble et où elle pourrait véritablement exploiter tout ce qu'elle connaissait de son milieu. Et ce qu'elle connaît le mieux, c'est donc la mondanité et aussi ses ravages, la frivolité, l'oisiveté, la dépression qui peut en découler. Oui, on a appelé The House of Mirth, donc chez les Heureux du Monde, le voyage du pèlerin au féminin, puisque en filigrane, on peut entendre aussi l'écriture de Bunyan, hein, avec le Pilgrim's Progress, Thackeray, enfin tous les moralistes aussi anglais sont là-bas, quelque part, dans l'intertexte, et c'est passionnant parce que c'est une manière pour elle de mettre en évidence aussi une forme de calvinisme. Elle veut affronter et elle veut se démarquer de ce sentimentalisme épiscopalien de l'époque qui s'adresse à un lectorat petit bourgeois, enfin bourgeois, et puis on essaie de capter un autre type de lectorat qui serait petit bourgeois pour le coup, et qui n'aimerait pas quelque chose qui ne soit pas tranché, qui ne soit pas un petit peu binaire, un peu manichéen. Et de sorte que chez les Heureux du Monde a posé problème à ce lectorat-là, parce que justement, il y a bien une morale, peut-être, mais elle est très très ambivalente, elle est très ambiguë, et elle ne nous donne pas les clés d'un raisonnement tranché, d'une réponse tranchée sur le destin de cette héroïne, Lily Barthes. Mais alors, pour suivre donc ce conseil de Henry James, elle fait ce qu'on pourrait considérer comme un roman naturaliste. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas comme Zola, elle ne va pas avec son petit carnet étudier le ventre de Paris. Elle vit dans ce milieu, mais elle le décrit en naturaliste. Oui, tout à fait. Et elle dit que c'est pas à la mode de travailler sur cette classe sociale, sur la classe des nantis, the leisure class, comme disait Thornton Veblen en 1899. Ça fait pas recette, a priori. C'était pas forcément une bonne idée. Et elle teste ça quand même, parce que c'est ce qu'elle connaît le mieux, effectivement. Mais son œil est extrêmement détaillé. C'est-à-dire qu'elle a un regard très acerbe, très cruel. Elle a cette position intermédiaire assez fascinante et qui est peut-être aussi la posture de l'écrivain, de l'artiste, qui est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. C'est ce qui rend son œuvre tellement passionnante. C'est qu'à la fois, elle connaît le moindre détail de l'étiquette de la haute bourgeoisie new-yorkaise, une forme d'aristocratie, sans la noblesse, mais c'est une forme d'aristocratie. Et en même temps, elle a une sorte de tendresse aussi pour cette aristocratie, et en même temps, évidemment, elle est capable de regarder ça avec un œil de sociologue, voire d'anthropologue, à en juger par les images qu'elle utilise de cette société comme une tribu, comme un clan, avec des termes vraiment de primitivité, quelque chose comme ça. Elle s'en distancie, elle est capable de regarder de l'extérieur. Et les inspirations pour ça, donc on a cité Zola, vous avez parlé de Balzac aussi, on pourrait rajouter Flaubert, enfin c'est un petit peu cette veine française de la littérature du 19e. Oui. Oui, j'ai trouvé des extraits de La Curée, par exemple, de Zola, qui avait pu servir d'inspiration à Wharton dans The House of Mirth. Je pense qu'elle aimait beaucoup Balzac, elle a appris à aimer aussi Proust. Ce n'est pas une moderniste à proprement parler, donc elle se réfère à des références antérieures, bien antérieures, enfin voilà, d'une cinquantaine d'années, et elle y puise, elle a le sentiment qu'elle pourra dire des choses plus fines en utilisant ces paradigmes et cette méthode stylistique. Donc son sujet principal, à nul mot, c'est la cartographie de ce milieu de la bourgeoisie américaine. Mais est-ce que, au-delà de ça, ça n'est pas ce milieu qui est en train de disparaître? Est-ce que ce n'est pas justement le monde en transition qui se dérobe un petit peu sous ses pieds, puisque, encore une fois, elle appartient à ce monde-là? Je vais faire référence au film de Terence Davis, sur lequel on avait travaillé. C'est Emmanuel Delanoë qui a travaillé sur ce film. La première scène est très frappante. Terence Davis est finalement un réalisateur assez minimaliste par rapport à Scorsese qui a travaillé sur The Age of Innocence justement. Et la première scène, c'est l'image de l'héroïne avec sur fond de gare, un nuage de fumée. Donc, symbole de la modernité. Symbole de la modernité, cette femme corsetée néanmoins, et seule, et pas dans une foule tout de suite. Et on a comme ça, cette première image est très frappante parce qu'elle pose ce problème du rejet et du passage, justement de la en transit. Elle est toujours en transit. Lily Barthes est toujours en mouvement, pour la bonne raison qu'elle est déracinée d'une certaine manière. Elle est famille désargentée, aux dépens, elle vit aux dépens des gens très riches de son milieu, mais finalement elle est tributaire des autres et elle est seule. D'où cette idée de mouvement, de passage, et effectivement, je reviens à ce que vous disiez préalablement, il y a l'idée d'une décadence d'un milieu qui est en passe de disparaître. Et tout cela, ça s'incarne dans la ville de New York, et même dans la forme de la ville de New York. Vous avez fait référence à Nulmo tout à l'heure, à son intérêt pour l'architecture. Voilà ce qu'elle dit sur la manière dont sa ville a changé au fil des années. Que pouvait offrir New York à une enfant dont les yeux s'étaient emplis de formes d'une beauté immortelle et d'une signification immémoriale ? Les souvenirs les plus déprimants de mon enfance sont mes impressions de l'intolérable laideur de la ville, de ses rues négligées et de ses maisons manquant tellement de dignité, toutes pleines de suffisance et de tapisseries suffocantes. Comment comprendre que des gens qui avaient vu Rome et Séville, Paris et Londres puissent revenir vivre satisfaits entre Washington Square et Central Park? Ce que je ne pouvais pas deviner, c'était que ce petit New York perpendiculaire aux charpentes basses, accablé du plaquage universel couleur chocolat des pierres les plus hideuses jamais équarries, cette ville horizontale, quadrillée, entassée, sans tour, ni portique, ni fontaine, ni perspective, engluée dans la mortelle uniformité de sa terrible laideur, aurait, 50 ans plus tard, disparu aussi complètement que l'Atlantide. Seul le destin digne de l'Atlantide de ce vieux New York qui s'était lentement mais continuellement développé depuis le début du XVIIe siècle vaut qu'on s'en souvienne aujourd'hui. Un extrait de Chemin parcouru, lu par Vanda Bénès. Alors, entendre qualifier New York de ville horizontale, sous-entendre qu'elle est une ville sans monuments, ça choque évidemment nos oreilles aujourd'hui, parce que pour nous, New York, c'est vraiment la ville monumentale. Et elle a vécu cette transition qui incarne véritablement le changement de l'Amérique, à Nulmo. Oui. Et le changement des populations aussi américaines. Les images de flux de population, notamment, elle utilise énormément l'image aquatique pour décrire les courants et contre-courants sociaux et sociétaux même, dans la mesure où il y a cette invasion, j'utilise ces termes évidemment à chaque fois, l'invasion des nouvelles fortunes. Voilà, les nouveaux riches qui viennent remplacer l'aristocratie, enfin la haute bourgeoisie, mais Saint-Jean, l'aristocratie européenne. Exactement, on est dans une sorte de, là encore, un schéma binaire, mais évidemment il y aura un schéma dialectique en vérité, mais la binarité, enfin l'espèce de tension entre deux pôles qui seraient d'un côté la rigidité, la verticalité d'une société pyramidale, pyramide glissante, dit un des personnages The Age of Innocence, donc décrite en termes d'archéologie en vérité, hein, de profondeur, voilà. Espace strié, pour utiliser Deleuze. Et puis, de l'autre côté, donc le modèle, l'original, dit-elle, et puis la copie. La copie va évidemment prendre son envol également, mais c'est sur cette tension, et c'est ce qui est le plus intéressant, parce que c'est sur cette tension que sont fondés ces trois récits new-yorkais. Donc ces nouveaux riches, entre guillemets, ils construisent New York en hauteur, ils construisent finalement Wall Street. Et Wall Street qui est le premier lieu de New York au sud de Manhattan, où vont s'édifier au début du XXe siècle des gratte-ciels. Et elle explique très bien le transfert finalement de la 5e avenue à Wall Street. C'est donc réellement une histoire de l'Amérique qu'elle nous propose. Est-ce qu'elle en a vraiment conscience, selon vous, ou est-ce qu'elle se contente de raconter son milieu en train de disparaître ? C'est une personne qui est très attentive à ce qui se passe autour d'elle. Et donc, elle a conscience, oui, d'être en train d'observer ce changement épistémologique, enfin cette disparition peut-être d'un certain sens, d'un certain humanisme, puisqu'elle met quand même cette histoire ancienne du côté d'une forme d'humanisme, même si ça pourrait nous faire grincer des dents maintenant, mais de fait les images qu'elle utilise pour parler de Wall Street, de la bourse et de cette espèce d'univers qu'on ne comprend pas, que l'aristocratie ne comprend pas. Enfin, c'est très très net dans... C'est pas la même langue qui est parlée par l'un et par l'autre de ces groupes sociaux. Oui, c'est une manière pour elle de mettre en avant ce que j'appellerais enfin une déflation sémiotique. Enfin, j'utilise des termes utilisés par Philippe Hamon dans Exposition. Il y a plus de sens, on comprend plus le sens dans les deux sens du mot sens, si je puis dire. On ne sait plus où sont les valeurs. C'est la question des valeurs. Est-ce qu'il y aurait des valeurs meilleures que l'autre? En tout cas, elle juge. Elle juge et elle nous invite à juger également de cette incompréhension et du fait que dans... Alors je parlais beaucoup de chez les Heureux du Monde, mais il y a aussi les Beaux Mariages dans lequel Anne-Lynne Sprague est l'incarnation de ce capitalisme effréné qui va ruiner littéralement les tenants de l'aristocratie. Alors ils sont étranges aussi, ces nouveaux riches, hein, toujours entre guillemets, parce qu'on ne sait pas très bien d'où ils viennent, ils sont un petit peu mystérieux, ils ont des noms comme Beaufort, donc les Beaufort c'est la famille la plus riche, ou l'une des familles les plus riches dans le temps de l'innocence, et leur fortune arrive comme ça, sans qu'on puisse la tracer. C'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure sur la question de la généalogie de la société qui n'est plus organisée comme elle l'était de façon verticale. Et puis, cette peinture des nouveaux riches, elle l'a fait avec des mots qui sont les mots de la parodie, à nul mot. Elle se moque énormément. Oui, ça lui donne la possibilité de changer de registre. Lorsqu'elle parle effectivement des nouveaux riches, que ce soit Elma Moffat, déjà, rien que le signifiant, le patronyme est amusant. Faut pas oublier que Wharton souvent commençait par trouver un nom à ses personnages et puis de ce nom, voilà, dériver une histoire. Ce qui fait qu'elle elle prend un très grand plaisir à en faire la caricature. Ça va même du côté du grotesque, du clownesque même. Hein, Elmer Moffat est un personnage très drôle, sans vergogne, très théâtral, histrionique. Et ça donne quelques pages assez croustillantes, hein, je dois dire. Alors, vous avez parlé, à nul mot, de la question du mouvement, des flux. Et c'est vrai que ça, ce sont des champs lexicaux qui reviennent en permanence. Et vous allez assez loin dans votre analyse, puisque vous parlez même d'un mouvement gravitationnel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette théorie des fluides chez Edith Wharton et comment ça peut aller jusqu'à évoquer la science de l'époque? Alors, c'est pas vraiment mon... Je suis très littéraire, vous savez. non, c'est plutôt... Alors, il y a plusieurs images. Il y a l'image des cercles concentriques, mm-hmm. qui nous ramène aussi à la Divine Comédie. Et puis, ces forces centrifuges et centripètes, le fait qu'il y ait un cœur et un centre qui attire, hein, tout ce qui est à l'extérieur, qui est représenté par les Mingott, par exemple, les Van de Leiden, etc. Et par ailleurs, je dirais que plutôt les images aquatiques nous amènent vers un autre terrain encore, et qui est celui de la conscience. Et c'est peut-être quelque chose que j'aimerais aussi aborder, ce travail sur la conscience. Bien sûr. Donc elle est effectivement une lectrice de William James, donc le pragmatiste américain. Donc le frère, hein, de Henry. Le frère de Henry, dont elle a lu l'ouvrage sur la psychologie, hein, Principles of Psychology, qu'elle a trouvé moyen, parce qu'elle était elle aussi une sacrée critique. Ils étaient très durs entre eux, hein, de toute façon, ils avaient du mal à apprécier vraiment le travail. C'était difficile, c'était très difficile entre eux aussi, quand il s'agissait de littérature en tout cas, et du monde des idées. Néanmoins, elle a emprunté ces images de... stream, c'est-à-dire le courant. Alors, il a travaillé sur la conscience comme un courant, comme quelque chose de fluctuant, d'impermanent. Voilà l'idée d'un passage, de quelque chose qui est insaisissable. Et elle reprend à son compte ces images aquatiques, à la fois pour qualifier justement les courants sociaux, mais aussi pour nous amener vers une sorte de circonscription de ce qu'est la conscience. Parce que, évidemment, la thématique peut-être principale, outre l'aspect social, c'est aussi l'avènement d'une conscience féminine en particulier. Voilà. Il y a aussi, et c'est là que j'évoquais la science un petit peu plus haut, la question de la dynamo, la question des recherches qui se font sur les premiers rayons X. Et il y a ça un petit peu qui flotte dans l'air chez Edith Wharton. Je voudrais qu'on dise un mot aussi du côté épique de ces hommes d'affaires qui déferlent dans les romans. Ils ont un côté un petit peu capitaine Ahab. Qu'est-ce qu'on peut en dire à nul mot ? Et capitaine d'industrie, surtout. Et capitaine d'industrie aussi. Les robber barons. Oui, bah, ce sont des personnages qui sont très agréables à étudier aussi, parce qu'on y retrouve beaucoup d'influences, d'autres types, du théâtre en particulier, y compris même les comédies de la Restauration anglaise. Hein. Et il y a des personnages peut-être... qui se veulent caricaturaux eux-mêmes pour peut-être noyer le poisson, comme une couverture pour cacher, pour dissimuler la menace qu'il pourrait constituer. Mmh. C'est le cas de Simon Rosedale dans The House of Mirth, chez les Heureux du Monde, pardon, qui est une figure de financier juif, et qui est finalement celui qui pourrait sauver l'héroïne, mais qui est quelqu'un qui a l'air de ne pas être introduit, qui a l'air d'être un peu timide, mais en même temps qui a beaucoup d'argent et qui voudrait se marier avec l'héroïne, qui lui propose en gros son argent contre sa beauté et contre le fait qu'elle soit tellement intégrée dans cette société-là, et elle refuse. Les sujets étaient empruntés à des tableaux anciens, et les acteurs avaient été habilement pourvus de rôles convenant à leur type. Personne, par exemple, n'aurait pu faire un Goya plus typique que Carrie Fisher, avec sa figure courte et sa peau brune, l'éclat exagéré de ses yeux, la provocation de son sourire franchement peint. Une brillante Miss Smedden de Brooklyn reproduisait à la perfection les courbes somptueuses de la fille du Titien, soulevant un plat d'or chargé de raisins au-dessus de l'or harmonieux d'une chevelure ondulante et d'un riche brocart. Une jeune Mrs. Van Alstyne, du type hollandais, plus frêle, avec un front haut veiné de bleu, avec des yeux et des sourcils pâles, faisait en satin noir contre une arcade drapée un Van Dyck caractéristique. Puis venaient des nymphes de Kaufman, enguirlandant l'autel de l'amour. Un souper de Véronèse, tout en tissu éclatant, en chevelure emmêlée de perles, en architecture de marbre. Enfin, un groupe de Watteau, des comédiens jouant du luth, flânant auprès d'une fontaine dans une clairière ensoleillée. La personnalité des acteurs avait été si habilement soumise aux scènes où ils figuraient que même les spectateurs les moins imaginatifs durent éprouver, par contraste, un frisson de surprise quand le rideau tout à coup se rouvrit sur un tableau qui était simplement et sans déguisement le portrait de Miss Barth. Cette fois, il était impossible de s'y tromper. C'était bien la personnalité qui prédominait. Le haut unanime du public était un hommage non à l'œuvre de Reynolds, mais à la beauté en chair et en os de Lily Barth. Un extrait de Chez les Heureux du Monde, lu par Marianne Bassler. Qu'en retenez-vous, à nul mot ? Ce que j'en retiens, c'est que c'est la scène des tableaux vivants. C'est une scène centrale, hein, une sorte de climax dans l'histoire, un point culminant, puisque elle doit aboutir à la révélation du moi, une sorte de mise à nu de l'héroïne. Mmh. Or, évidemment, elle passe par une théâtralisation, d'où le paradoxe quand même. Hein. Révéler le moi par une mise en scène sur une scène domestique et en même temps publique. On sait tous ce qu'étaient les tableaux vivants au XIXe siècle de jeunes femmes, de préférence avec de belles lignes. Elle utilise beaucoup le terme de lignes, qui se mettent en scène et qui reproduisent un tableau ancien, effectivement. Et elle a choisi Mrs. Lloyd de Reynolds, qui est justement, dont le modèle est assez dénudé. Ce qui a immédiatement un sens symbolique dans la mesure où c'est l'équivalent d'une mise à nu de qui elle est. Elle s'est rendue compte à ce stade dans le roman qu'elle était considérée comme une vieille actrice, une actrice vieillissante qui avait besoin de se trouver un nouveau personnage, et elle décide de se montrer telle qu'elle est parce qu'elle veut aussi séduire Laurence Alden, qui est le pendant masculin de cette héroïne. Donc on est dans un monde de vanité quand même avec Edith Wharton, Anne Ulmo. Oui, on est tout à fait dans un monde de vanité qui dépasse le simple narcissisme des personnages féminins. Qu'un peu facilement, on pourrait imaginer que d'aucuns pourraient de ce récit, oui. Absolument. Ça dépasse dans la mesure où il y a une dimension métaphysique, en fait, dans ce roman, tragique aussi, et où on voit se profiler l'image en creux d'une vanité, d'une vanitas baroque. Mais le monde est une scène chez Wharton, toujours. Le monde est une scène en permanence, effectivement. C'est un univers panoptique, hein, pour utiliser ce terme de Bentham, c'est-à-dire que tout le monde se sent espionné, épié à tout moment, et a un moi social avant tout, et ne dit jamais ce qu'il ressent. Et on est condamné, du coup, à être un acteur, on est condamné à la théâtralité. C'est ça aussi qui est tragique dans ce milieu qu'elle nous décrit. Oui, oui, il y a des scènes très, très tragiques au moment où elle va dans la Riviera, où elle s'embarque sur le Sabrina et où ça se passe pas bien du tout pour elle. Il y a toujours cette idée de ces costumes de scène qui deviennent des oripeaux. Oui. Et ça se passe pas bien du tout. Donc, on entendait la scène du tableau vivant, mais il y a aussi des vrais tableaux de la peinture, souvent présente chez Wharton. C'est la métaphore de quoi, Anne Ulmo, la présence de ces tableaux? Est-ce que c'est un symbole de fixité, l'image qui ne bouge plus, qui enferme peut-être? Oui, j'avais travaillé sur ce que j'avais appelé le tableau tombeau, enfin, en empruntant à Louis Marin, et le tableau tombeau, c'est véritablement une manière, notamment dans le temps de l'innocence, de montrer que certaines familles, des clans tout entiers se font peindre le portrait, littéralement, et ne vont pas se modifier au fil du temps. C'est-à-dire qu'on peut voir Mrs. Van Leyden sous son portrait, et elle est exactement la même qu'il y a 20 ans. Voilà, qui est bien effrayant. On va continuer à explorer l'œuvre de Wharton, et en particulier, vous allez le voir, sa manière d'écrire avec vous, Anne Ulmo. Ce sera en seconde partie de cette émission, juste après la chronique de Marianne Payot. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Marianne Payot, rédactrice en chef adjointe au service livre de l'Express. Bonjour à vous, Marianne. Bonjour. Aujourd'hui, vous nous conseillez deux livres pleins d'oxygène. D'abord, Sans jamais atteindre le sommet, Voyage dans l'Himalaya, c'est de l'italien Paolo Cognetti. Et ensuite, Fugue de Arthur Ashe. En effet, commençons par Paolo Cognetti. C'était en 2017. Ce Milanais barbu déboulait sur la scène littéraire française avec un fort joli récit, Les Huit Montagnes, très justement auréolé du prix Srega, l'équivalent italien de notre concours. Traduit dans une trentaine de pays, ce roman sur l'amitié nouée entre Pietro, enfant de la ville, et Bruno, un petit montagnard qui l'initie au mystère de la vallée d'Aoste, a obtenu en France le prix Médicis étranger et suscité l'admiration de nos écrivains alpinistes, de Jean-Christophe Ruffin à Philippe Claudel. En cette même année 2017, afin de franchir en beauté le cap de ses 40 ans, Paolo Cognetti prenait son bâton de pèlerin pour s'aventurer dans les paysages préservés du Dolpo, enclave montagneuse de culture tibétaine au nord-ouest du Népal. De cette aventure au long cours, il nous livre aujourd'hui un formidable récit empreint d'humour, de délicatesse et de sagesse, sous le titre donc « Sans jamais atteindre le sommet, Voyage dans l'Himalaya », publié par Stock. Et voilà donc Cognetti dans l'Himalaya. Et oui, Paolo a l'esprit du voyage chevillé au corps. Et puis il y a ces derniers montagnards, en effet dans les Alpes nous étions devenus des citadins, dit-il, qu'il va chercher toujours plus loin. Alors il marche. Marcher réduisait la vie à l'essentiel, écrit-il. Manger, dormir, rencontrer, penser. Aucune invention de notre siècle ne nous servait plus à rien une fois que nous étions en route, mis à part une bonne paire de chaussures et, dans mon cas, un livre dans le sac. Ce livre, son véritable bréviaire, c'est Les Léopards des Neiges, dans lequel Peter Matthiessen relate son voyage de 1973 dans ce même Dolpo. Et c'est sur les pas du vieil épi américain que l'écrivain italien longe le lac Foxundo, traverse vallées, cols et déserts, admire des edelweiss à 4700 mètres, côtoie les moutons bleus de l'Himalaya, croise d'agiles villageois perchés dans les hauteurs et partage un verre de rashki, curieux breuvage au goût d'essence chaude. Et il souffre. Et de quoi souffre-t-il ? Chez les Tibétains, la montagne est peuplée d'esprits, non pas maléfiques, mais sévères envers l'homme, note le Milanais. Le sien de démon, c'est ce mal qui le prend au-dessus de 3600 mètres. C'est un fait, il ne supporte pas l'altitude. Passé ces 3600 mètres, ses poumons, cœur, estomac, jambes sont à rude épreuve. Pourquoi je ne suis pas chez moi avec la femme que j'aime, le dîner sur la table, un peu de musique, un lit chaud ? C'est quoi ce maudit appel de la montagne ? S'écrie-t-il un soir, asphyxié et tremblant de froid et de fatigue, à 5300 mètres. Paolo n'est pas seul. Avec lui cheminent 9 compagnons, une dizaine de guides, porteurs et cuisiniers, et 25 mulets de bât. Une caravane à laquelle se joint bientôt une chienne noire, d'humeur égale, comme tous les habitants d'Himalaya, qu'il baptise Kanjiroba, du nom du sommet au pied duquel ils l'ont trouvé. Pourtant, Paolo le sait bien. En montagne, on marche seul, même quand on marche avec quelqu'un. Ce qui n'empêche pas l'amitié, les rencontres, et cet irrésistible élan qui le pousse à outrepasser toutes ces frontières qu'il aborde. Sans jamais atteindre le sommet, donc, de Paolo Cognetti. Un autre conseil de lecture ? Et oui, de la marche à la fugue, il n'y a qu'un pas, que franchit allègrement Arthur Arche avec un superbe recueil de nouvelles. Dans Fugue, c'est son titre, publié au Mercure de France, le chanteur et musicien imagine une merveilleuse conversation, galimatia hilarant de français, d'allemand et d'anglais, avec Jean-Sébastien Bach, l'auteur de L'Art de la Fugue. Au maître de Leipzig, qu'il admire fidèlement depuis son adolescence, il raconte d'autres fugues, à commencer par le de sa mère, en 1967. Nicole, sa mère, étouffe dans sa banlieue communiste d'Argenteuil. Le soir de ses 18 ans, elle s'enfuit, avec quelques desesperados, pour échapper au morne sillon. Destination rêvée, Tahiti, en passant par la Corse. L'échappée belle s'achèvera d'ailleurs ici, dans le maquis de l'île de Beauté. En mars 1982, à 15 ans et quelques, c'est au tour d'Arthur H. de fuguer, pour échapper à lui-même cette fois-ci. Alors que se terminent des vacances en Guadeloupe en compagnie de son père, Jacques Higelin, le jeune Arthur, lycéen malheureux et timide, prend la poudre d'escampette et se fait engager sur un bateau. Son Himalaya à lui, en quelque sorte. Merci beaucoup Marianne Payot pour ces deux conseils. On retrouve vos articles dans les pages livres de L'Express, notre partenaire. C'est toujours la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture. Nous sommes avec la professeure Anne Ulmo pour évoquer l'écrivaine américaine Edith Wharton et à présent son travail d'écrivain justement, dont elle a parlé dans son livre « Les règles de la fiction » qu'elle a publié en 1925. À la naissance de la fiction, c'est parfois la situation qui se présente en premier, parfois les personnages qui demandent alors d'être plongés dans une situation adaptée. Il est difficile de dire quelles sont les conditions susceptibles de donner la priorité à l'une ou aux autres, et je doute que la fiction puisse être utilement divisée en romans de situation et romans de personnages, car un roman, s'il vaut quelque chose, est toujours une inextricable combinaison des deux. Dans mon propre cas, c'est parfois une situation qui me vient d'abord, parfois une simple silhouette qui me traverse l'esprit. Si la situation prend le pas, je la laisse pour ainsi dire s'installer dans un endroit tranquille et j'attends que les personnages y pénètrent furtivement et se mettent à frétiller. Tout ce que je semble avoir fait au début est de m'être dit « telle chose est arrivée, mais à qui ?» Je retiens alors ma respiration jusqu'à ce que les personnages apparaissent un à un et s'emparent de la situation. Quand tout se produit de l'autre façon, je rumine au hasard et soudain un personnage déclenche quelque chose qui apparemment ne mène nulle part. De nouveau, mais en retenant un peu moins mon souffle, j'observe et bientôt le personnage s'approche de moi, paraît se rendre compte de ma présence et sentir mon besoin timide mais ardent de l'entendre me raconter son histoire. Je ne puis dire de quelle manière le sujet se présente le plus fréquemment, mais peut-être dans les nouvelles est-ce d'abord la situation et dans les romans d'abord les personnages. lecture par Marie-France Ganzer. Wharton a donc ressenti le besoin de se pencher sur les mystères de la création artistique et d'en faire un livre, Anne Ulmo. Pour quelle raison ? Ou que dit-elle dans ce livre ? Peut-être que les raisons sont mystérieuses. Je trouve ce livre un peu décevant dans la mesure où on s'attendrait à avoir des sortes de révélations et puis finalement... Voilà, on n'est pas très étonné. Elle prône le classicisme, elle prône la rationalité. Elle souhaite maintenir l'illusion dramatique à tout prix. Et elle n'aime pas beaucoup les incursions dans même ce que j'appellerais justement le courant de conscience, qui était quand même un mouvement qui avait déjà bien débuté. Elle écrit à l'époque moderniste. Et que même Henry James utilise. Mais précisément, elle s'en défie finalement. Et elle se limite à généralement un ou deux points de vue. Elle veut quelque chose de très ciblé, de très cohérent. Elle insiste beaucoup sur cette cohérence et emprunte volontiers au classicisme, comme on le disait tout à l'heure, de Balzac par exemple, pour décrire ses personnages. Et vous trouvez ça décevant, du coup, à titre personnel, de passer à côté de la modernité, ou est-ce que finalement c'est ça aussi qui fait son art propre ? Propre, c'est le mot. non, trop propre. Je peux pas regretter ce qu'un auteur a décidé d'écrire. Enfin, c'est pas. Et puis j'ai quand même consacré pas mal d'années sur elle. Aurait mais devenir une autre auteure si elle avait été moins cloisonnée dans un certain classicisme. Mais je suis surtout étonnée qu'elle ait échappé à ça et qu'elle ait même caricaturé le mouvement les modernistes dans ses deux derniers romans, dans Hudson River Bracketed, je crois, et puis The Gods Arrive, qui sont les deux derniers romans où elle reparle de l'art, de la création. Elle disait que pour ces modernistes, l'informe était considérée comme la première condition de la forme. Absolument. C'est tout à fait ironique. Oui, elle est très très ironique, mais elle en devient un peu décalée. Puisque ça intervient dans les années 30. Elle dit ça dans les années 30. Mmh. Et on connaît tout ce qui précède dans la période moderniste. Enfin, on est en plein dedans. Et sa compatriote Gertrude Stein, qui tient salon à une encablure de chez elle, elle ne va pas vraiment la rencontrer. Elle se défie de ce cercle artistique. Qui l'effraie peut-être aussi. Oui, qui lui fait certainement peur. Qui va à l'encontre de ses principe extrême, un peu conservateur, il faut le dire. Elle, ce qu'elle relie, c'est Madame de Lafayette, c'est Diderot, c'est l'abbé Prévost, c'est ce genre d'écrivain-là. Oui, les moralistes. Il y a une espèce d'amour justement du classicisme français en particulier. C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé et qui a vécu finalement à Paris le reste de ses jours. Et voilà, et elle est très inspirée par ces gens-là. Mais pour reprendre ce qu'on disait en première partie, Anne Ulmo, sur finalement un regret vis-à-vis du monde qui change et de la technique qui change ce monde, est-ce qu'elle ne voit pas justement une technique dans le courant de conscience et dans cette nouvelle façon d'écrire ? Quelque chose qui manque un peu d'âme. Oui, mais il me semble que dès ce roman de 1905, chez Les Heureux du Monde, il y a une incursion dans la conscience du personnage principal qui pourrait se rapprocher du courant de conscience, justement. Donc c'est quelque chose qu'elle envisage comme étant une possibilité de faire advenir le moi, le sujet. Il y a tout cet aspect solipsiste, enfin un travail sur le moi féminin en particulier, le moi de l'artiste aussi, hein. On a parlé de ce roman en termes de Künstlerroman, c'est-à-dire le roman de formation d'un artiste. Et elle se saisit de cet objet-là et elle nous entraîne dans la conscience de son personnage. Mais sans aller jusqu'au bout du courant de conscience, peut-être, et en maintenant une certaine forme de classicisme néanmoins. Finalement, ce qui l'intéresse, c'est le symbolisme. Et un symbolisme qui va beaucoup passer par la nature, Il y a quand même un rapport très fort des personnages à la nature, et souvent la manière dont la nature est représentée vient exprimer les sentiments des personnages. Et cela, en effet, c'est une forme assez classique de littérature, mais dont elle trouve quelque chose qui relève finalement de l'âme, qui relève moins de l'intellect que du pur ressenti, du pur sentiment. Oui, déjà dans ce roman, toujours, il y a un passage par des lieux naturels, des parcs, hein, c'est quand même une nature domestiquée, des parcs qui installent les personnages dans un univers plus en phase avec les éléments, peut-être, mais qui est aussi le théâtre d'une réflexion plus peut-être platonicienne. Donc ça, c'est quand même toujours mêlé à quelque chose de très cérébral. Et dans d'autres romans dont on n'a pas parlé là, qui sont peut-être Ethan Frome et Summer, enfin l'été et puis Sous la neige. J'ai vu qu'on avait traduit ça par le titre Ethan Frome. Enfin, c'est redevenu Ethan Frome. Le dernier mais POL, c'est toujours Ethan Frome. C'est Ethan Frome, voilà. Mais j'ai vu qu'il y avait une version précédente, donc 1911 et 1912, qui sont des romans, d'ailleurs, qui ne sont pas sans rappeler les romans de Colette, hein, à qui, enfin, qu'elle aimait beaucoup, dont elle aimait le style, et qui réintroduisent une sensualité. Pour revenir sur la création, le personnage du créateur, chez Wharton, il y en a quelques-uns, mais enfin, c'est toujours des créateurs qui sont peu épanouis. Il y a toujours une difficulté à créer chez Wharton. En effet... Ou des créatrices aussi. Oui, alors elle a parlé vraiment des figures de créateurs dans les deux derniers romans, justement, qui m'intéressent moins personnellement. Mais je pense qu'elle a fait de Lily Bart un personnage qui potentiellement pouvait être considéré comme créatrice d'elle-même. Donc c'est toujours quelque chose qui est lié à une voix, à la voix féminine, par exemple, et au fait de pouvoir s'exprimer dans un univers extrêmement sclérosant et étouffant. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de crises d'asthme, voilà, c'est sans doute pas un hasard. Donc il y a une inquiétude quant à la place de la femme écrivain dans la société ? Certainement. De la femme écrivain, de l'idéaliste aussi, de celui qui, comme Ralph Marvel, qui est un personnage secondaire dans Les Beaux Mariages et qui se méprend sur le nom de celle qu'il aime, Ondine, voilà, qui lit quelque chose d'extrêmement romantique et qui ne va pas comprendre qu'il est passé entre les mains de quelqu'un qui va le broyer. Tous les personnages, enfin, voilà, finalement, elle nous donne à entendre et à lire des personnages qui pourraient partager avec elle une sorte d'idéalisme aussi, un désir de rester dans le domaine des belles lettres et de la création, dans ce qu'elle a de très beau, enfin quelque chose de classique, d'harmonieux, de beau et valorisant l'humain également. Mais cette harmonie, elle est souvent déçue, ce qui me permet d'évoquer un autre thème très important chez Edith Wharton, c'est celui de la déception dans le couple et surtout de la solitude dans le couple. On a l'impression qu'il est très difficile, et notamment dans ce que vous qualifiez de trilogie du silence. C'est Ethan Frome, Été et puis la nouvelle Bunner Sisters. Qu'il est très difficile pour les couples finalement de se retrouver vraiment. Il y a une distance, une froideur entre eux. Oui, il faut se souvenir qu'elle divorce en 1913, hein, de Teddy Wharton, qui se trouve être quelqu'un qui l'a trompé, qui était lui-même, qui avait des problèmes psychiques, qu'elle a soigné au détriment de l'écriture. Parfois, elle s'en est plainte dans certaines lettres. Et dont finalement, elle s'émancipe, ce qui n'est pas facile dans ce milieu. Il y a cette crainte du divorce, mais à partir de ce moment-là, elle trouve sa voie, à tous les sens du terme, et elle va avoir à cœur de montrer combien le couple peut être un problème et combien il est difficile, effectivement, de trouver l'amour simple, peut-être. Et réciproque. Elle trouve sa voie, elle se libère, entre guillemets, de son mari, mais elle ne trouvera pas correspondance parfaite avec ce qui pourrait être une âme sœur. Non, elle a rencontré Monson Fowlerton, qui était un journaliste américain quand elle était venue en France, au début du 20e. Ça a été une passion amoureuse, elle avait déjà plus de 40 ans, elle a découvert tout à ce moment-là, mais ça s'est pas forcément bien terminé non plus. May I guess the truth? There is another woman. Only not the one she thinks. Don't make love to me. Too many people have done that. I've never made love to you. But you are the woman I would have married if it had been possible for either of us. You can say that when you're the one who's made it impossible. I've made it. Isn't it you who made me give up divorcing? Didn't you talk to me here, in this house, about sacrifice and sparing scandal? And for May's sake and for yours, I did what you asked there me! There were things in your husband's letter. I had nothing to fear from that letter. Absolutely nothing. I was just afraid of scandal for the family and you and May. Un extrait du Temps de l'innocence de Martin Scorsese. C'est un film de 1993. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette adaptation qui est quand même très étonnante dans la filmographie de Scorsese? Oui, c'est très inattendu et personnellement, j'ai beaucoup aimé. D'abord parce que peut-être que les deux acteurs sont parmi mes acteurs préférés, hein, Daniel Day-Lewis et puis Michelle Pfeiffer. Et puis Winona Ryder aussi en personnage de May Welland. J'ai trouvé que c'était une adaptation très fine. Scorsese a le sens du détail lui aussi, et il a le sens de l'atmosphère, cette espèce de mouvement. Il y a un travelling dans les décors somptueux des premières scènes, avec je sais que la caméra s'arrête sur les gants blancs que les hommes portent pour entrer. Ils déposent leurs gants et ils en reprennent d'autres et ils vont entrer dans la soirée. Ils filment des tableaux aussi parfois. Et les tableaux sont extraordinaires. Donc je me suis retrouvée exactement dans l'univers que j'imaginais en lisant Edith Wharton. Et puis il y a de manière plus subtile aussi, c'est ce jeu amoureux, ce jeu de séduction et puis la passion amoureuse qu'il arrive à très bien dépeindre, décrire. Entre ces deux acteurs magistraux, il faut le dire, je sais que Michelle Pfeiffer, tout se joue dans un petit tic des yeux. Enfin, il se passe vraiment des choses extraordinaires entre ces deux acteurs. Mais est-ce que vous savez ce qui est assez cinématographique chez Edith Wharton pour que plusieurs cinéastes se soient emparés de son œuvre? Comme on le disait tout à l'heure, elle est aussi une naturaliste, c'est-à-dire qu'elle sait très bien décrire, elle décrit parfaitement, et en même temps, elle, sur le plan justement des dialogues, c'est aussi une belle dialoguiste, et je pense qu'ils n'ont pas eu, et je me souviens que... Il y a une voix off qui reprend d'ailleurs le texte dans le film de Scorsese. Absolument. Oui, parce qu'il y a aussi un narrateur omniscient, enfin il y a un narrateur qui chapeaute le tout, mais les dialogues eux-mêmes sont, si je me souviens bien de l'adaptation de Scorsese, sont assez fidèles à l'original. Alors il y a un dernier tout petit texte dont j'aimerais bien qu'on parle ensemble, peut-être que c'est d'ailleurs du cinéma qu'elle fait dans ce texte, La France en automobile, puisque ça ressemble à un long travelling sur ce pays, la France qu'elle adore. Est-ce que vous avez un petit peu en tête ce petit texte d'Edith Wharton? Non, pas du tout, bah, écoutez, c'est dommage. je vais vous raconter hein, tout simplement. Oui. Elle fait ce voyage avec son mari Teddy, ça se passe entre 1906 et 1916, dans une Panhard et Levasseur qu'ils avaient acheté d'occasion à Londres. Et ça m'a paru d'autant plus cinématographique que les Wharton, ils ne conduisaient pas eux-mêmes. Hein. Ils étaient accompagnés par un chauffeur. Ils étaient donc véritablement spectateurs. C'est une femme qui sait regarder et qui fait de tout, comme on le disait, peinture, qui fait de tout tableau et qui fait de tout littérature. Oui, oui. Elle a voyagé partout en Europe, en tant que petite fille, mais aussi plus tard, bien évidemment. Elle voyageait dans les campagnes du Massachusetts quand elle a acquis The Mount hein, à Lenox, où elle emmenait Henry James dans sa Ford. Il me semble que c'était une Ford à l'époque. Enfin bon, voilà. C'est pas États-Unis, sur le peut-être. Même continent, voilà, exactement. Et elle trimballait Henry James un peu partout. Elle allait dans les campagnes. Et elle a fait de même, évidemment, avec la France, puisqu'elle a fini par acquérir une très belle villa en haut de Hyères, enfin, la villa Saint-Clair. Mm-hmm. Vous êtes allée en pèlerinage? Oui, je suis allée. Qu'est-ce qu'on comprend d'Edith Wharton? Je ne suis pas allée à l'intérieur, je ne sais plus d'ailleurs si elle était ouverte, mais enfin, j'ai vu cette vue extraordinaire voilà, sur la Méditerranée. C'est un très bel endroit. Elle a tout de même quand même bon goût, on peut dire, hein, puisque The Mount aussi est une villa gigantesque dans un parc qui a été restauré. Décoré aussi par elle-même. Décoré par elle-même. On peut remercier l'association des amis d'Edith Wharton, d'ailleurs, pour avoir donné de l'argent pour la restauration des parcs et de la maison. Et ben merci donc à l'association des amis d'Edith Wharton. À bientôt, Anne Ulmo. Merci. Je rappelle que votre livre Edith Wharton, La conscience entravée, a été publié par les éditions Belin en 2001 et votre essai Anatomie d'une illusion, The House of Mirth, date de 2013. Il est publié aux Presses universitaires de France. C'était La Compagnie des auteurs, une émission de Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Lorraine Travagli, Chanal Garance Mazelier et Nasser Moussaoui. Demain, nous parlerons de deux livres de Wharton en particulier, L'âge de l'innocence et Ethan Frome. Ce sera avec Sarah Foss et Julie Wolkenstein. Mais tout de suite, c'est le moment de la poésie. Elle vous est proposée comme chaque jour par Jacques Bonafé. Bonjour La Compagnie. Cette semaine, n'expliquez pas, je n'ai pas compris. Nous affirmons avoir parfois pris du plaisir à ces choses poétiques inextricables, mais pleines de sons et justifiées, comme les extrémités de Bruno Normand paru chez Lanskin, édition qui toujours ose et se lance. Les extrémités, la forme est celle d'une sorte d'installation, les pages en diptyque, livre d'un nouveau chapitre d'un livre, slash d'une, entre parenthèses, de vie, entre parenthèses, S, en cours. Mmh. Elle s'étonne, deux points, slash. Tu as noté ça, slash? Oui, cela fait partie d'un ensemble. Tout juste rentré d'une virée, une petite semaine à Ouessant, au large de Brest, tu connais? De la friche, des fougères, des moutons, des biques, la bruyère, le sexe des bruyères, le chèvrefeuille sauvage, les abeilles, des abeilles noires. Extrait de Les extrémités de Bruno Normand. Et nous fonçons sur, écoutez, Thomas Kling. Avec un nom comme ça, on est dans la poésie sonore. Thomas Kling est mort en 2005. C'est un poète allemand. Il est mort à 50 ans. Appareil.vision.nocturne. Aux éditions 1, dans le chapitre Russian Digest, relate un épisode de l'histoire russe. Gommé, combattant dégommé, dans le, comment dit-on, paysage urbain, nous aussi combattons de vers vêtus, nez bouché, sensation défaillante, la parka décorée sur plusieurs rangées, dégommer ces héros de l'Union soviétique qu'on démonte, mais comment faut-il, étranges images sous-titrées, comment faut-il, ce tombeau de Staline surchargé de glaïeul, comprendre ça là? Les corps ondulants des jeunes Hare Krishna de mettons 18 ans devant les guichets des théâtres de Leningrad? La dangereuse bousculade devant le nouveau magasin Lancôme dont les doormen essaient de réguler l'accès. Les étranges images sous-titrées, flots cinglants, guerre, éclair, l'œil mutilé qui s'empare d'eux. Personne sans but, sans défense. L'armada de mendiants devant des églises pleines à craquer dedans. Les plaies du sauveur plaient aux pieds sous un verre aveuglé de baisers. Ici aussi, scène à la Fellini, on fait la queue. Vague de prières dans la fumigation post-stalinienne, à main nue, une des vieilles femmes éteint le moignon de cire, elle l'arrache de la main gauche, place à la prochaine forêt de bougies qui déjà s'enflamme. Restons avec le sonore Thomas Kling pour un deuxième accrochage pétersbourgeois. Ce son serrant dessert ce resserrant. L'enregistreur de vol, voice recorder de l'aéroflotte, nous devons l'exploiter. Tous les noyaux de cerise, noyaux de texte. Pushkin s'effondre et réside de nouveau à Saint-Pétersbourg. Serre, Académie impériale des beaux-arts rembobinée, les dernières minutes reconstruites, ultime battement de cœur sur écoute, et on comprend vraiment, roulette russe, alors qu'à toute blinde le service suprématiste tombe par terre, et on s'interrompt. Merci Jacques Bonafé. Je rappelle que toutes les références de vos lectures sont disponibles sur votre page au sein du site de France Culture.